Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. FPP, la jungle des luttes, c'est le programme mensuel du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, donc en direct le troisième lundi du mois de 19h à 20h30 et retransmis le quatrième jeudi du mois de 8h à 9h30. Vous avez aussi le blog si vous voulez nous réécouter, le blog La jungle des luttes, si jamais vous pouvez pas écouter le programme ou écouter nos autres émissions, il y a un blog La jungle des luttes, vous pouvez donc... vous connecter sur ce blog et retrouver toutes nos émissions. Vous pouvez également nous rencontrer, le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, donc tous les mercredis à 20h30 au 33 rue des Vignoles pour une assemblée ouverte. Donc vous êtes tous invités à venir pour partager de l'information sur vos luttes et prendre de l'information sur les apatistes notamment, puisqu'on se concentre sur ce qui se passe au Mexique via les apatistes. Mais évidemment, depuis le départ, il y a la vocation à ce que ce mouvement apatiste puisse résonner dans d'autres contrées. Donc depuis 22 ans, on a vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient au courant de ce que faisaient les apatistes. Il y a plein d'autres initiatives et l'objectif étant, dans ce programme et aussi au comité, d'essayer de faire des ponts entre toutes ces luttes qui luttent pour la liberté, l'autonomie et un système qui ne soit pas capitaliste et donc qui essaye de combattre ce système et de trouver des alternatives, de construire d'autres mondes, d'autres en obligation d'office à se battre contre des États oppressifs, oppresseurs, dans différentes luttes, différents pays. Et il y a énormément de prisonniers. Donc on a profité d'être juste au lendemain de la semaine des prisonniers politiques qui a été organisée à Paris. Et donc on a profité de pouvoir rencontrer des personnes pour pouvoir parler ou leur donner la parole. Et donc aujourd'hui, on parle des prisonniers politiques. On va vous passer la petite présentation de fête de la semaine mercredi. Mercredi, on était justement, c'est le jour de la réunion du comité, je vous le disais. Donc on était au 33 rue des Vignoles dans les locaux de la CNT pour cette journée. On a évoqué les Mapuches, on a évoqué les prisonniers de la Sexta Internationale, c'est-à-dire des personnes qui adhèrent aux projets zapatistes, enfin à cette proposition zapatiste, plutôt pas un projet, puisque le projet tend justement de construire ensemble un projet de lutte anticapitaliste en bas et à gauche. Donc on a parlé également de Mumia Mujamal, donc on vous partagera les interventions de ce mercredi et on va quand même commencer par en direct avec un copain qui est là, Yegbun, représentant du Conseil démocratique kurde de France, et on finira avec aussi une personne qu'on a rencontrée au cours de cette semaine et qui nous parlera notamment du boycott sur les produits d'Israël, et donc ce sera sur la fin du programme. Donc on commence toujours avec une petite pause musicale et on vous retrouve tout de suite. We'll be right back. cadre de la semaine internationale des prisonniers politiques. Cette semaine, elle a été mise en place par un collectif dont fait partie les associations qui sont présentes ce soir. Donc le comité de solidarité avec le peuple du Chiapas en lutte, Terre et Liberté pour Arauco, le comité de solidarité avec les Indiens des Amériques et le collectif français Liberté pour Mumia Abou-Jamal. Donc cette semaine, elle est issue d'un processus assez long, puisque en 1975, en Palestine, il y a eu la mise en place et du 17 avril, qui est la journée internationale des prisonniers politiques palestiniens. Et en fait, en 2004, à une conférence qu'il y a eu à Donesti, donc au Pays Basque, qui regroupait différents peuples, différentes organisations révolutionnaires, pour discuter de la question des campagnes de solidarité avec les prisonniers politiques, le Front populaire de libération de la Palestine a donné cette journée, la journée du 17 avril, à tous les prisonniers politiques dans le monde. Et donc, depuis 2004, des initiatives se font à peu près partout dans le monde pour médiatiser le combat politique et bien sûr le combat révolutionnaire de femmes et d'hommes qui se sont engagés pour une transformation sociale, pour une libération de leur pays ou pour construire un monde plus juste et qui ont bien sûr subi la répression. Donc on a fait depuis, un collectif s'est monté, chaque 17 avril on organisait une journée transversale avec autour de sujets de prisonniers politiques. Et on a eu l'idée par la suite, parce que tout condensé sur une journée, c'était pas facile. Et puis bon, c'était souvent les gens n'avaient pas assez de temps pour pouvoir exprimer leur solidarité et la situation de leurs prisonniers. On a mis en place une semaine où chaque soir, donc des situations et des combats peuvent être développés plus largement. Donc cette semaine, elle a commencé dimanche dernier avec la solidarité avec les prisonniers politiques basques, avec la mère de Lorencha, qui est une prisonnière politique basque qui est incarcérée en France, ainsi que des membres de HKPNA, le mouvement internationaliste basque, qui ont subi la répression récemment. Le lendemain, donc ce qui était donc lundi, il y a eu l'inauguration de la semaine qui s'est tenue au Centre démocratique kurde, avec la thématique cette année des femmes prisonnières politiques, femmes révolutionnaires, où il y a eu un hommage à Joëlle Aubron, militante d'Action Directe, qui nous a quittés il y a 10 ans. Un hommage à Sakine, qui est donc une militante kurde qui a été assassinée à Paris avec deux autres de ses camarades. Et on a pu revenir à l'hommage des femmes kurdes en résistance aujourd'hui. Et ensuite, on a eu le plaisir d'avoir donc la présentation d'un livre sur les femmes révolutionnaires et leur combat en Italie, et le témoignage par Silvia Baraldini. Silvia Baraldini, qui est une militante anti-impérialiste italienne, qui a passé 25 ans de prison, 17 ans aux États-Unis et le reste en Italie. Elle a commencé son activisme contre la guerre du Vietnam, et après elle s'est rapprochée des mouvements indépendantistes portoricains et des Black Panthers et de la Black Liberation Army. Elle a notamment participé à l'évasion d'Assata Shakur, qui est militante de la Black Liberation Army, qui est encore aujourd'hui exilée à Cuba, et qui devient Assata, qui est un enjeu pour actuellement sur les négociations qu'il y a sur l'ouverture de diplomatique entre les États-Unis et Cuba, puisque les États-Unis ont mis comme comme ils avaient l'habitude de le faire pendant les peuples du Far West. Ils ont mis une prime sur sa tête qui est $1 million. Et le gouvernement cubain a refusé de l'extrader et a notamment dit qu'elle était devenue citoyenne cubaine et que jamais une citoyenne cubaine ne serait extradée vers les États-Unis. Et donc Sylvia est revenue sur ses années de prison aux États-Unis et a ensuite les années qu'elle a passées en prison en Italie. Et donc la situation des prisonniers politiques et prisonniers et prisonnières politiques en Italie. Et donc voilà, il y a des prisonniers et prisonnières politiques un peu partout. Donc ceux qui sont en Italie, on n'en parlera pas précisément aujourd'hui. On est avec Yekboun, comme je vous disais, représentant du Conseil démocratique kurde de France, qui nous fera une petite présentation de ce que c'est cette fédération et donc le projet. Et puis parler également du prisonnier politique Ocalan, qui est connu. Qui est connu, ça c'est des déformations avec des prisonniers déjà depuis 1999. Donc on a eu l'occasion ici sur la jungle des luttes d'en parler il y a déjà longtemps, et donc on peut en reparler encore aujourd'hui de tout ce qui se passe actuellement en Turquie et pas seulement dans tout ce qui est le Kurdistan. Donc, Yekboun, bonjour, merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité, très clairement. C'est vrai que c'est un cadre particulier cette semaine, c'est la semaine des prisonniers politiques, ça, je le ressouligne ici et ailleurs. C'est une semaine très importante pour la convergence des luttes à ce niveau-là. Alors, je vais faire une présentation vite fait un petit peu de la CDKF pour que les gens, au moins ceux qui ne connaissent pas, puissent comprendre qu'en France, il y a une fédération des associations kurdes de France qui se structure au nom qui porte le nom du Conseil démocratique kurde de France. C'est très important pour nous ce thème de Conseil démocratique parce que effectivement le projet qu'on défend c'est un projet de démocratie, et le projet de démocratie on le fait passer à travers nos associations et on la structure à travers notre fédération qu'on appelle le Conseil démocratique kurde de France. Elle regroupe à peu près 24 associations dans toute la France. Vous savez qu'en France, pour ceux qui ne savent pas, il y a 250 000 Kurdes vivant en France, 80 000 en Île-de-France. C'est nécessaire d'avoir ces structures-là pour pouvoir vraiment faire en sorte que les Kurdes puissent avoir aussi une reconnaissance culturelle, puissent se découvrir, se redécouvrir à travers notre fédération, parce qu'elle a vécu ce peuple kurde qui est plus de 40 millions disséminé entre l'Iran, l'Irak, la Turquie et la Syrie, n'a jamais eu de statut que ce soit politique ni culturel, et elles sont arrivées même à un stade d'assimilation qu'on a dû stopper à travers diverses luttes, et dont la dernière lutte en date est celle de la lutte du PKK qui, à travers une reconnaissance d'un statut de peuple et donc de sa culture, de sa langue, a aussi créé aussi un projet d'émancipation pour le peuple kurde, et pas que pour le peuple kurde en lui-même, mais aussi pour les autres peuples vivant dans la région avec les Kurdes. Voilà, ça c'est nécessaire de le souligner, parce qu'il faut savoir qu'au Kurdistan, il n'y a pas que des Kurdes, comme même si les Kurdes sont en majorité, il n'y a pas que des Kurdes, et savoir travailler avec la pluralité, c'est aussi un enjeu démocratique, c'est aussi le projet qu'on défend. Et on le défend aussi dans nos associations en Europe, partout en Europe, et essentiellement en France, à travers le Conseil démocratique kurde de France. Voilà très clairement ce qu'on fait actuellement. Pour ce qui est de M. Öcalan, donc Öcalan, pour le dire en espagnol si vous voulez, pour le cas de M. Öcalan, c'est le fondateur du PKK. Donc le PKK existe depuis 1978. C'était un mouvement politique qui a dû se transformer en un mouvement également de guérilla, pour pouvoir exister sur la scène politique régionale. Étant donné qu'on ne vous donne plus les moyens d'exister au niveau politique, on vous enferme, on vous tue, on vous massacre, il y a bien un moment où les gens vont se défendre par les armes, et c'est ce qui a été fait pendant, jusqu'à encore aujourd'hui, pendant plus de 40 ans. Il faut savoir qu'on est au Moyen-Orient, c'est pas très jojo ce qui s'y passe. Malheureusement, beaucoup de pays impérialistes, occidentalistes, capitalistes, appelez ça comme vous voulez, ceux qui porteurs d'intérêt dans la région essaient de semer le trouble au détriment des peuples vivant sur place, et par essence se défendre comme n'importe quel être, n'importe quel être vivant, se défendre est aussi un moyen d'exister. Et se défendre militairement était aussi un moyen, et l'est encore aujourd'hui, un moyen d'exister. On peut parler de Daesh actuellement, qui est dans la région. On peut parler de l'État, qui est pas, l'État turc, qui n'est pas très différent non plus dans ses agissements. Et on peut parler aussi des autres États qui sont dans la région, comme l'État irakien ou comme l'État iranien, qui n'en démord pas non plus dans sa façon de réprimer aussi ses opposants. Voilà, donc on vit dans un contexte particulier, avec une lutte particulière dans un domaine très très sensible, à haut risque, et dont le peuple kurde, à travers le PKK, a pu exister, a pu émerger, et aujourd'hui, on va dire, a une résonance internationale. Ça, c'est clair et net, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, parce que ce qui se joue actuellement au Moyen-Orient va se jouer aussi pour le reste du monde. Ce qui se passe actuellement à Place de la République, pour moi, en tant que personne, en tant qu'organisation, pour nous, c'est une crise du système. C'est la crise du système qui montre ses premiers effets, voilà, ses premiers effets conséquents. Et nous, notre fonds de commerce, excusez-moi du terme, mais c'est aussi les crises. Quand il y a des crises, il y a des révoltes. Quand il y a des révoltes, il y a des solutions qui doivent être adoptées. Par contre, ces solutions, et ça, on en a appris de l'histoire, c'est la conclusion de M. Öcalan aussi. Dès qu'il y a des solutions qui émergent, malheureusement, le système s'approprie les solutions. Et bien nous, avec ce qu'on fait actuellement au Rojava, le système du confédéralisme démocratique porté par M. Öcalan, qui est effectivement emprisonné depuis 1999 sur une île prison d'Imrali en Turquie, a pour projet, avec son organisation, le PKK, a pour projet d'apporter le confédéralisme démocratique pour le Moyen-Orient. Donc ce n'est pas renier les États, c'est au contraire les rendre plus démocratiques, renverser les États-nations qui malheureusement profitent qu'aux bourgeoisies, qu'à la bourgeoisie, qu'au capitalisme, qui est le produit du capitalisme. Même en France, hein, on vit dans un État-nation qui est le produit du capitalisme. Tout à l'heure, j'écoutais à la radio les histoires de Jérôme Kerviel, mais malheureusement, la finance, le capitalisme se montre de toutes ses formes et c'est devenu très banal. Malheureusement, personne ne peut s'y opposer parce que c'est dans un cadre légal. Et nous, les peuples, nous sommes désormais face à cette situation qui, en réalité, ne fait pas l'unanimité dans sa solution, ne fait pas l'unanimité dans son système ou dans son existence, et travaille au détriment des peuples. Pour faire simple, oui, on a un projet alternatif de société, on a un projet alternatif de système. Qu'on essaie de défendre actuellement au Moyen-Orient à travers une région qui s'appelle le Rojava. Mais attention, notre projet ne se limite pas au Rojava et s'étend aussi dans les autres pays comme la Turquie, l'Iran et l'Irak, et s'étend également aussi en Europe à travers les structures que nous disons démocratiques, nous, mais dont nous aussi, nous participons à la solidarité avec les autres peuples également, donc parce qu'on est internationaliste également, sur ces thèmes-là, qui est comment construire un système ensemble, un système plus juste ensemble. Et ça se fera avec les autres peuples, ça se fera avec les autres camarades qui luttent dans le monde entier, et y compris en France, pour pouvoir justement atteindre cet objectif qui est comment créer une société de vivre ensemble plus juste. Voilà. Et peut-être qu'on on peut parler juste rapidement de la situation de Öcalan, qui est en prison du coup justement depuis 99. Et si tu voulais peut-être nous dire quelle est sa situation concrète, puisque du coup forcément ça veut dire qu'il y a pas forcément toujours des visites, il y a toujours des difficultés en prison aussi, puisqu'on n'est pas seulement isolé. Alors depuis 99, certes, M. Öcalan est en prison actuellement, sauf que faut savoir qu'en Turquie, que ce soit en Iran, en Irak, en Syrie, je vais expliquer simplement le cas de la Turquie, on parle quand même de plus de 30 000 prisonniers politiques. 30 000 prisonniers politiques, ce n'est pas rien. Et en plus, actuellement, avec la politique de M. Erdogan, ça tend à se développer. Et même, on pense atteindre le double à la fin de cette année. Donc, est-ce qu'on traverse une crise régionale? Oui. Une crise en Turquie? Oui. Est-ce que les prisonniers politiques de demain, d'aujourd'hui, seront les révolutionnaires de demain? Ça, j'y crois aussi, parce que le PKK s'est formé dans les prisons. Le PKK a débuté sa lutte dans la prison de Diyarbakir dans les années 70. Vu les horreurs et les atrocités, c'est son militant qu'on a mis derrière les barreaux, sont devenus encore plus durs que des barreaux en sortant. Et c'est ces gens-là aujourd'hui qui ont constitué aujourd'hui la force qu'on est actuellement, c'est-à-dire une force militante, une force organisée, une force disciplinée, une force qui tend aussi à se développer et ne se range pas derrière le dogmatisme, mais essaie de trouver des solutions avec les expériences du passé. Voilà. Et M. Öcalan actuellement, effectivement, ne peut pas voir ni son avocat ni sa famille depuis plus de 1 an. Et ça, c'est quelque chose qu'on voulait dénoncer. Je rappelle que Öcalan est dans une prison, une île prison en fait, à Imrali, au large de la Turquie. Donc, il est isolé de fait par sa géographie. C'est une île prison déjà. C'est une île prison à la Napoléon. Voilà, on l'a isolé. Et c'est une forme de torture aussi également, parce que ne pas voir son avocat ni sa famille depuis 1 an, c'est une façon d'isoler psychologiquement, tentative d'aliéner l'individu. Faut savoir que même les gardiens, ils ne peuvent même pas les voir. Les gardiens, ils les voient à travers ces caméras. Voilà. Donc c'est une façon de vraiment, vraiment créer la tension, faire en sorte qu'il perde tous ses repères et le manipuler par la suite. Mais M. Öcalan a été très, très fort jusqu'à maintenant, encore aujourd'hui, parce qu'il n'a pas perdu les repères, alors malgré qu'on a tenté de lui faire perdre ses repères, il a une forte conviction personnelle, il sait pourquoi il se bat, et ça n'a pas empêché à ce qu'il puisse amener à bien son projet, même en prison, et qu'il puisse donner encore une fois son ambition de vouloir démocratiser la Turquie, démocratiser les pays du Moyen-Orient, et apporter aussi le coup de pouce qu'il faut actuellement au Rojava, c'est-à-dire les perspectives politiques qui puissent permettre l'émancipation des peuples dans la région et également des femmes surtout. Voilà. On va faire une petite pause musicale et on continue justement sur ce qui se passe. Musique. Presque. Il va y arriver. Il va y arriver. Donc normalement, c'est un morceau que tu as sélectionné, hein, justement, Yann Boone. Oui, c'est un morceau que j'ai sélectionné. C'est une camarade qui est tombée martyr en 2009. Qui s'appelle Delila. C'est une camarade qui l'organisation a sorti son album à titre posthume. Il faut savoir que c'était pas une professionnelle de la chanson. Hein. C'est une guérilla qui chantait et que des camarades ont enregistré sur place, mais c'était pas prévu du tout qu'on en fasse un album et ça a fait un carton. Hein. Faut savoir qu'en Turquie en 2009, quand les gens ont appris sa mort également. Voilà, ça a pu... Comment elle s'appelle ? Delila. Delila. Delila. On écoute. Gehtüne cihayini delete Mek sazık birin darınç dur icabete Min katıra ves gehtüne cihayini delete Mek sazık birin darınç dur icabete Bebehna orate geçtirim geçtirim serhoştirim Şadırım dilşat Can Kurdistan, can can can melat. John, John, John, John Hayes, John, John, John, John Devine, John, John, John, John Kurdistan, John, John, John Kurdistan, John, John, John Kurdistan, John, John, John Kurdistan, John, John. Çerik ve varım ketimriyente fanzım kone kvedanım nazo zanette esko çerik ve varım ketimriyente fanzım dile kve bakın nazo zanette şehez reda dedim de ben hardıbım be vardıbım kaldıbım be haldıbım can nere can be na Porate geçtim, geçtim, seni karıştım, şadım, dil şadım, can vela can, can vela can, can, can, can helves, can, can, can, can nevin, can, can, can, can Kurdistan, can, can, can vela can, can, can, can helves, can, can, can, can nevin, can, can, can. La jungle des luttes, programme mensuel du CSPCL, donc la jungle des luttes aujourd'hui avec les prisonniers politiques comme thème général. Et donc on est avec Yekboun du Conseil démocratique kurde de France. Donc on a parlé déjà un petit peu de ce que c'était, on va avancer sur ce qu'est aujourd'hui la situation, peut-être si on, concrètement sur ce qui se passe sur place. Alors la situation qui se passe sur place en Turquie, il faut savoir qu'on a parlé d'Abdullah Öcalan juste avant, qui ne voit ni sa famille ni ses avocats depuis à peu près un an. Mais il faut savoir qu'en 2013, Monsieur Erdogan avait engagé un processus de paix avec Monsieur Öcalan pour trouver une solution à ce conflit. Enfin, ça, c'était l'officiel. En réalité, il essaie. Maintenant, on a compris et on s'en doutait très bien, mais il essayait de gagner du temps pour regagner la masse kurde et en disant voilà, moi je suis quelqu'un qui veut trouver des solutions, je suis en gros le De Gaulle de la situation et venez me soutenir et laissez tomber les Kurdes qui cherchent des solutions, ils n'y arriveront pas, moi j'ai la solution, suivez-moi. Bon, on a vu qu'en fait, dès que les Kurdes ont réussi lors des dernières élections législatives en 2015, en mars 2015, on peut passer le barrage des 10%. Et devenir une force politique très importante, en juin 2015, pardon, une force très importante, il a décidé de couper les ponts avec Öcalan parce qu'il a vu qu'en fait, il perdait beaucoup plus au change de trouver une solution que de gagner. Il faut savoir qu'Erdogan réfléchit comme un commerçant. Ça fait un peu comme nos dirigeants d'ailleurs. C'est tu me donnes ça, je te donne ça. Voilà, c'est pas une conception tout à fait démocratique, c'est une conception tout à fait pragmatique, individualiste et de groupe d'intérêts qui est de ses intérêts et non une réelle solution pour le pays. Aujourd'hui, Monsieur Erdogan a décidé, comme j'ai dit, depuis avril, en réalité avril 2015, Il n'a pas attendu les élections du mois de juin parce qu'il avait vu que le HDP, donc le parti qui est considéré comme pro-kurde, qui veut dire le Parti démocratique des peuples, a c'était pu. C'était une façon d'essayer de dissuader. Voilà, ouais. Exactement, c'était ça. C'était dissuader un petit peu les votants de voter plus pour l'AKP, donc le parti d'Erdogan, qui est le parti islamo-conservateur, et le parti est en confrontation avec le Parti démocratique des peuples, malgré qu'on dise dans les médias français parti pro-kurde, en réalité, c'est un parti pluraliste, donc c'est pas un parti pro-kurde. À l'intérieur, vous avez autant des LGBT et des Arméniens ou des chrétiens chaldéens ou autres qui prennent part au HDP parce que c'est le projet de pluralité qui compte au final. C'est le projet du PKK, c'est le projet de Jalan de créer une société démocratique et ça marchera avec les pluralités. Et ça, Monsieur Erdogan a très vite compris qu'en fait ça allait tourner en sa défaveur. Et a décidé de rompre le processus de paix, donc comme je le répète encore une fois, en avril 2015. Et il a menacé les électeurs kurdes, surtout, en disant « Si vous ne votez pas pour l'AKP, la solution au conflit ne se réglera pas et je relancerai une guerre totale. » Et il l'avait dit en juin, il a perdu la majorité, donc parce qu'il était déjà majoritaire juste avant juin 2015. Il a perdu la majorité parce que le HDP a fait un score historique. Il a doublé son score, carrément. Et Monsieur Erdogan a déclenché une guerre totale, donc depuis juin 2015, juste après les élections, contre les Kurdes, en disant « Je vous l'avais dit, si vous votez pas pour moi, je mettrai une guerre totale. » Il l'a fait. Et aujourd'hui, depuis juin 2015 jusqu'à encore aujourd'hui, Monsieur Erdogan a détruit 6 villes au Kurdistan, des villes de plus de 100 000 habitants quand même. Hein, qui sont complètement assiégées. Il faut savoir que ces villes ont constitué des unités d'autodéfense, de protection civile, qu'on appelle les YPS, un peu comme on a vu en Syrie avec le YPG et YPJ. C'est, nous, on se battait contre Daesh en Syrie, et ben, on se bat contre Erdogan maintenant, les polices, les voyous d'Erdogan en Turquie. Et chaque ville a constitué des unités de protection qui se battent encore à l'heure actuelle contre les forces spéciales de police et les forces spéciales de gendarmerie avec des tanks, des hélicoptères, des avions de chasse. Il faut savoir qu'Erdogan pilonne pas uniquement avec des obus, mais avec des avions de chasse ses propres villes. Je me souviens que quand on parlait de l'Irak et de Saddam qui gazaient les Kurdes, donc pour les Américains qui gazaient ses propres populations, on en a fait tout un scandale et on a déclenché la première guerre du Golfe. Là, M. Erdogan pilonne à coups d'artillerie et avec des jets, donc des avions de chasse, les villes kurdes, et ça choque personne en Europe. Lui envoie 3 milliards d'euros. Et l'Europe lui envoie 3 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce qu'il y a des soi-disant réfugiés qui peuvent venir. Il faut savoir qu'Erdogan, quand il vient à Bruxelles, il dit « Si vous ne faites pas ce que je dis, moi, les avions civils et les cars, je vais en mettre à disposition des réfugiés pour qu'ils puissent venir en Europe. » C'est ce qu'il dit clairement. Hein. Est-ce que vous comprenez ce chantage-là ? Est-ce que vous le concevez ? Il faut savoir que juste avant les attentats de Bruxelles, Erdogan avait dit vous, l'Union européenne, vous n'êtes pas honnête. Vous dites que le PKK est une organisation terroriste, mais vous ne faites rien contre elle. Moi, je me bats contre tous les jours contre ces terroristes, bien sûr. Et il ne dit pas d'un côté qu'il soutient Daesh et qu'il a soutenu Daesh pendant 5 ans, mais ça, ce n'est pas grave. Il dit qu'il continue à soutenir. C'est carrément leur général, hein, Erdogan, aujourd'hui. Et Erdogan a dit attendez que les terroristes de Daesh frappent en Europe. Il a désigné Bruxelles. Une semaine plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ? Bruxelles, explosion, attentat. Il a désigné la Russie comme cible. 3 jours plus tard, Daesh frappait la Russie. Pourquoi ? Il y a aucun dirigeant qui se pose la question quand ce gars-là donne une cible. Tout de suite après, ça s'organise. Il faut savoir que les gens qui ont fait les attentats de Paris et de Bruxelles, les derniers, je parle, tous sont passés par la Turquie. Ils avaient tous des visas turcs. Ils avaient tous des passeports turcs. Et ça, il n'y a pas une enquête de justice qui puisse dire ces gars-là, quand même, on nous les a refourgués, mais personne ne nous a dit que c'était des gens qui pouvaient présenter une menace, parce que la Turquie ne les a pas déclarés comme une menace. Au contraire, elle les a envoyés comme si c'était des réfugiés qui venaient trouver refuge dans les pays d'accueil comme la France ou autre. Mais en réalité, c'était des envoyés de la Turquie. C'était fait exprès. Et aujourd'hui, Erdogan sait très bien que s'il n'a pas le chantage des réfugiés, il y en a passé par la Turquie. Parce qu'ils avaient vécu quand même en France, enfin en Belgique. Ou effectivement, mais ils sont passés par la Turquie, oui. Si vous voulez les camps d'entraînement, beaucoup sont basés en Turquie. Les camps d'entraînement de Daesh sont en Turquie. Je peux vous même citer les villes et les lieux exacts parce que c'est Erdogan lui-même qui dit que des camps de réfugiés vont être créés. Ce qu'il appelle des camps de réfugiés sont des camps d'entraînement. Voilà. Donc ça, c'est une force pour lui parce qu'il sait très bien que s'il n'y a pas Daesh dans la région, c'est Erdogan qui saute. Parce qu'il sait que s'il n'y a pas la menace Daesh, Erdogan n'a plus aucune légitimité à rester au pouvoir. Donc, comme l'Arabie Saoudite, elle a besoin de Daesh pour créer une menace et pouvoir légitimer sa position dans la région, parce qu'elle est elle-même sunnite et parce qu'elle contrôle d'une manière ou d'une autre cette organisation-là. Et Erdogan profite de cette déstabilisation dans la région à travers Daesh. Daesh s'en sert très bien aussi. Donc c'est un jeu de vases communicants entre les deux qui leur permet de garder leur pouvoir et leur autorité dans la région. Voilà. Parce que les Kurdes, justement, sur la frontière turque, ont beaucoup combattu Daesh aussi, non ? Enfin, je veux dire, il y a quelques années, ils ont quand même été... Depuis 2011, ils ont été l'un des premiers. Voilà, ils ont été les premiers. Ouais. Donc pendant un certain temps, ça a servi le pouvoir turc, j'imagine. Si vous avez remarqué... Nous, en Europe, on a parlé de Daesh réellement qu'après qu'elle ait frappé Charlie. Et encore, c'était pas Daesh, c'était Al-Qaïda à l'époque. Donc Daesh, personne n'en parlait. Jusqu'à que Daesh attaque la ville de Kobané. Donc je sais pas si pour beaucoup vous vous en souvenez, la période Kobané, c'était la période où il y a deux ans. Ouais, juin 2013. Juin 2013, exactement. Non, pas juin 2014. Ouais. 2014 exactement. On est en 2016 déjà. En 2016, ouais. Quand vous avez Daesh qui allait prendre la ville de Kobané, qui était déjà une ville libérée par les forces de défense civile, ce qu'on appelle les unités de protection du peuple, donc le YPG, ce que la France aime bien appeler les combattants kurdes, mais en réalité, à l'intérieur du YPG, il n'y a pas, certes, majoritairement c'est des Kurdes, mais il n'y a pas que des Kurdes, il y a aussi des chrétiens, il y a des chaldéens, il y a des arabes qui prennent les armes. Pourquoi on les assimile simplement à des combattants kurdes? C'est pour justement éviter de montrer le fait que les Kurdes dans la région arrivent à travailler avec les autres peuples, arrivent à créer une société qui n'est pas la société que propose l'OTAN à travers les djihadistes de Al-Nusra qui font partie aujourd'hui des accords de Genève. Qui ne sont pas non plus pris parti pour Bachar el-Assad soutenu par la Russie, mais qui ont développé une politique de troisième voie. D'ailleurs, ça a toujours été la politique du PKK, c'est la politique de la troisième voie. Ni les forces de l'OTAN, ni les forces des oppresseurs, mais notre propre force à nous, pas uniquement avec le peuple kurde, mais aussi avec des autres peuples. C'est l'objectif même du projet démocratique porté par Öcalan et le PKK. Et c'est ce qui se fait actuellement au Rojava. Si vous faites attention, le Rojava, elle, comme disait Patrick Franceschi, qui est un auteur... ancien militaire, auteur, écrivain qui est parti sur place pendant que Damas était à feu et à sang. Moi je me souvenais des pique-niques campagnards qu'on faisait au Kurdistan du Rojava, en Kurdistan de Syrie. Donc est-ce qu'il est possible de garantir la paix dans une zone si elle est bien organisée et organiser le vivre ensemble? Oui, mais est-ce que c'est les intentions aujourd'hui des belligérants, que ce soit du côté de l'OTAN et du côté de la Russie? Non, plus il y a du chaos et plus ça les intéresse. Nous, on arrive à créer de la stabilité et ça, bizarrement, ça intéresse personne. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de la répression d'Erdogan sur la presse, sur les journalistes? On sait que tout journaliste qui critique Erdogan aujourd'hui est emprisonné, qu'il y a, il y a à peu près 1200 mineurs, enfants en prison, dans les prisons de Turquie aujourd'hui. J'ai envie de dire, c'est tellement facile de pouvoir expliquer l'attitude dictate du dictateur Erdogan vis-à-vis des libertés. Tyran, oui. Voilà, c'est la réalité. Hein. Faut savoir que pour que les prisonniers politiques dont j'ai parlé, c'était qui? Ce sont des militants partis politiques. Ce sont des sympathisants. Ce sont des écrivains. Des journalistes, le pays qui dénombre le plus de prisonniers politiques dans le monde. Faut savoir que c'est la Turquie qui détient le record, d'accord? Et faut savoir aussi que M. Erdogan, aujourd'hui, il n'a aucun complexe à dire « je ne veux pas de liberté d'expression, je ne veux pas de partis politiques opposants, je ne veux pas des gens qui luttent carrément pour leur liberté, je ne veux pas de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est un califat régional. Je veux être le calife de la région, et j'ai Al-Qaïda et Daesh comme bras armé. Vous le savez très bien, vous les Occidentaux, il le dit tous les jours, vous le savez vous très bien, vous les Occidentaux, vous ne m'empêcherez pas tant que ces gens-là existeront, et vous avez besoin de moi pour les contrôler. Et c'est ce qui fait actuellement son chantage, c'est pas uniquement sur les réfugiés, mais c'est aussi sur la terreur d'État qui est organisée par ces organisations terroristes également, comme Al-Qaïda et Al-Nusra, ou Daesh, qui, elle, joue un petit peu le rôle d'exécutant de la Turquie si jamais la Turquie n'a pas les accords qu'elle veut. C'est ce qui se passe actuellement. On vit sous une période de chantage. Donc les intellectuels, académiciens, vous imaginez que dès que vous dites, vous faites un pet de travers, c'est clair et net qu'on ne va pas vous faire de fleurs. Il n'y a pas de procès. Il faut savoir que les procès là-bas, ce sont des procès dits théâtre. Voilà, vous avez parlé à l'encontre d'Erdogan, vous pouvez faire 3 ans de prison facile. Il faut savoir que même encore plus loin, monsieur Erdogan, quand un journaliste allemand avait fait une petite boutade sur Erdogan avec une jolie chanson Erdogi et Erdogan qui a fait le tour du web, c'est vrai que c'est une vidéo très très drôle. Monsieur Erdogan a quand même appelé l'ambassadeur d'Allemagne à son bureau pour dire faites-moi taire ce journaliste. Et l'Allemand était obligé de répondre oui, mais chez nous il y a la liberté de la presse. Il était obligé de le dire parce que c'est la vérité. Voilà, donc c'est clair que même pour lui, il se croit chez lui en France, il se croit chez lui en Allemagne, parce qu'il a ce moyen de pression qui est essentiel. C'est malheureusement les réfugiés politiques et ses bras armés. Donc ces terroristes qui peuvent frapper à tout moment. Voilà, dès qu'il en donne l'ordre. Il peut se croire chez lui, hein, l'Europe continue à envoyer des milliards et des milliards pour gérer les réfugiés aux frontières. L'Europe a donné 3 milliards et Erdogan en réclame 2 de plus. Et en plus, il dit « je veux aussi qu'on enlève les visas pour mes ressortissants ». Donc vous imaginez, tous ceux qui sont de Daesh et qui veulent demander des visas à l'ambassade de France aujourd'hui à Istanbul, elle va tout être facilité parce qu'ils sont à la fois ressortissants et en plus ils pourront venir de manière très facile aujourd'hui en Europe sans qu'on les interroge de quoi que ce soit. Ça, c'est une réalité. Alors, je voudrais revenir aussi sur l'appel au parrainage. Oui, parce que du coup, comme il y a les grands pays qui aident les grands États, les petits essayent d'aider les petits. Exactement, c'est ça. Mais la solidarité internationale, ça marche dans les deux sens. Hein. C'est que, effectivement, nous, on est solidaires avec les peuples en lutte, on est solidaires avec toutes les formes de démocratie qui peuvent exister qui font exister justement ces populations qui sont opprimées et réprimées. Et actuellement, les 6 villes assiégées dont j'ai parlé et dont la plus grande ville, qui est de Diyarbakir avec son centre historique, ce qu'on appelle le centre-ville historique, donc le quartier de Sour, qui a été assiégé, démoli, et d'ailleurs même qui subit actuellement une expropriation pour pouvoir en faire des grands centres commerciaux, rebâtir tout ça, filer des marchés un peu, encore une fois, aux élites qu'on connaît pour dire voilà, des petits cadeaux à la région, en disant voilà, vous les Kurdes qui avez fermé vos gueules, eh ben, on va vous donner même l'après, c'est-à-dire que les constructions, on va vous donner les marchés. Eh ben, nous, pour ces familles-là, nous on a déclenché un appel au parrainage, donc aux familles. Il faut savoir qu'il y a des familles qui ont perdu leurs enfants, il y a des familles qui ont perdu leur mari, voilà, des femmes qui ont perdu leur mari, des maris qui ont perdu leur femme, et plein d'autres histoires similaires. C'est 1500 familles qui se retrouvent sans rien. C'est plus de 1500 familles. Déjà, là, on est 1500, on parle pour la ville de Diyarbakir. Et faut savoir que même une aide de 100 euros par mois, ça change une vie là-bas. Voilà. D'une famille, la vie d'une famille sur place. Voilà. Donc, les appels à parrainage, nous, on a des formulaires où on peut expliquer la situation de la famille qui est parrainée. On peut organiser, même si c'est modique, symbolique, l'envoi par virement d'une certaine somme à cette famille-là. Il y a une coordination sur place au Kurdistan de Turquie qui est faite pour pouvoir justement organiser les parrainages. Il y a une coordination aussi qui est faite en France à travers notre fédération, donc le Conseil démocratique kurde de France. Donc les gens justement, ils peuvent se... Qui peuvent se renseigner, voilà, exactement. Et qui peuvent venir aussi à notre centre à Paris, au César Nanguin, ou pour avoir plus d'informations, ou bien nous envoyer un mail et nous, on leur expliquera la marche à suivre. Donc l'adresse mail, je peux le donner à l'antenne. L'adresse mail, c'est feykakurd, donc c'est feykakurde attaché, @gmail.com, donc feykakurd, feykakurde, donc feykakurd, gmail.com. Qui n'hésite surtout pas à écrire un mail pour poser des questions. On leur répondra avec plaisir. Et passer au Centre d'art et de culture du Kurdistan, 16 rue d'Anguin. Ça s'appelle plus Centre art et culture du Kurdistan. Ah. On a décidé que c'était une mauvaise stratégie parce que ça rompt pas avec la démocratie. Ouais, c'est ça, donc on l'appelle aujourd'hui, on l'appelle le Centre démocratique du Kurdistan à Paris. Voilà. Et donc les gens peuvent se rendre toute la journée, tous les jours, ou il y a même plutôt venir boire un thé, un café, manger quelque chose. Il y a une bibliothèque, il n'y a pas de souci, ils peuvent venir sans problème. Et tout le monde y est invité. Et pour les auditeurs d'FPP, du coup, ceux qui peuvent se écouter tous les samedis de 10h à 12h, c'est Visage du Kurdistan, ouais. Donc sur 106.3 FPP. Ah, merci beaucoup, Yegoun. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était la jungle des luttes. On continue. On va faire une petite pause musicale et on reviendra sur cette semaine des prisonniers politiques. FPP, la jungle des luttes, on continue comme on vous le disait avec la semaine des prisonniers politiques et donc c'était mercredi dernier au 33 rue des Vignoles et on a comme la présentation de l'émission vous le disais, on avait justement parlé du cas de Mumia Mahmoud Jamal, donc on écoute, c'était mercredi dernier. Après, je voudrais vous parler de Mumia Mahmoud Jamal, puisque ça c'était lors du procès qui n'a pas eu lieu vraiment, quoi. En fait, ça a été juste une audience, et c'est les dernières photos qu'on avait de lui, puisqu'après ça a été fini, on n'a plus le photographier. Sauf maintenant, ça fait quelques années, mais on ne pouvait plus le photographier, ça avait été interdit. Et par les administrations pénitentiaires, hein, voilà. Parce que bon, il avait un certain charisme, etc. Donc voilà, on voulait arrêter cette possibilité qu'il puisse diffuser encore ses idées, etc. Voilà, après, maintenant il a passé 30 ans dans les couloirs de la mort. Ensuite, sa peine a été commuée en prison à vie réelle. Et il est toujours dans une prison maintenant d'État. C'est une très grosse prison en Pennsylvanie, plus près de sa famille. Et il y a peu de temps, l'an dernier, il est tombé malade très gravement. Et malade de quoi ? Et voilà, il n'y a pas eu d'informations. À un moment donné, deux personnes du collectif qui étaient allées n'ont pas réussi. Bon, elles n'ont pas pu rentrer en prison parce qu'ils n'y étaient pas, ils ne le savaient pas. Après, elles ont commencé à courir à peu près tous les hôpitaux de la région, sans aucune information. C'était très difficile. La famille n'en avait pas non plus. Enfin bon, il a été en prison, à l'infirmerie de la prison pendant un certain temps, et après hospitalisé d'urgence. Il est tombé dans une espèce de sûrement de coma diabétique, avec des eczémas, etc. Le diagnostic qui a dû être fait, on ne sait pas trop à quelle époque, n'a pas été tout de suite diffusé à sa famille et à ses avocats, et il a l'hépatite C. Et donc le problème actuel, il est très affaibli, hein. Là il est sorti à nouveau de l'infirmerie, mais sinon il vit à l'infirmerie, hein. Ce que vous voyez là, ce n'est plus du tout ça. Il a le foie touché, enfin il est très très... Vraiment, il est plutôt mal en point, sûrement. Et donc, maintenant, on mène une campagne, bien sûr, pour les soins. Et il y a aussi toute une campagne judiciaire pour un accès aux soins, pour lui et pour d'autres, bien sûr. Hein, parce qu'ils sont très nombreux, les prisonniers américains, qui ont l'hépatite C et qui ne sont pas soignés. Donc, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, bien sûr. Et l'État de Pennsylvanie, ils ont des prisons pléthoriques. C'est un État qui a un nombre de prisonniers affolant. Et donc, ça va leur coûter très cher. Et donc, il y a eu une audience en décembre 2015... qui, quand même, pour nous, a été une audience assez étonnante, où il a été écouté, il n'y est pas allé, hein, mais il a été écouté par téléphone, le juge l'a interrogé, et chose très très étonnante, oui, parce que, bon, ça c'est l'administration, l'avocat de l'administration pénitentiaire a joué son rôle en disant, il avait fait appel pour avoir des soins, mais vous devez rejeter cet appel parce qu'il n'a pas dit pour... Pourquoi il voulait être soigné, bien sûr, à l'époque, quand il a fait appel, il ne savait pas qu'il avait l'hépatite, quoi, en fait. Voilà, c'était un peu ça, quoi. Hein. Et donc, mais quand même, le juge a balayé tout cela. Et après, c'était tout à fait étonnant, l'administration pénitentiaire s'est permis de faire un faux sur sa situation sanitaire, et qui a été révélé lors du procès, et qui a fortement, fortement, quand même, indisposé le juge, mais très, très fortement, hein. Et donc, maintenant, chaque partie a redéposé à nouveau par écrit toutes ses conclusions. Et nous attendons, on espère que c'est au mois d'avril, la décision. Cet avril-là ? Oui. Voilà. Et on peut absolument pas savoir, si vous voulez, tout le monde, les Américains comme nous qui avons... je crois, Sylvain, tu es d'accord, hein, quand tu lis ce qui a été dit... tu peux penser que le juge, il a tout en main pour accorder des soins. Maintenant, c'est un autre jeu. Hein, parce que s'il accorde des soins à Mumia Mahmoud Jamal, qui c'est qui va les payer et qui va payer pour tous les autres, ouais. Sachant que maintenant, on sait aussi qu'il y a... on le sait. Oui, on sait qu'il y a des prisonniers qui sont soignés, mais c'est plus ou moins non dit, quoi, en fait, parce que il y en a beaucoup qui sont pas soignés, surtout. En fait. Donc c'est tout ça qui va être un peu plus révélé. Et on ne sait pas. En même temps, c'est une décision d'un juge fédéral. Un juge fédéral, c'est un juge nommé, c'est pas un juge élu. Hein, donc, il a plus de latitude, quand même, hein, politique, disons. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour. Mais pour le moment, nous avons aussi une carte, nous avons beaucoup de cartes postales, aussi une carte postale pour envoyer, demander des soins. Suivre les Américains, ça y est, ont mis une pétition en ligne qui est sur le site aussi, donc on vous invite à signer et vous tenir informé, parce que si un jour, s'il faut à nouveau relancer des procédures comme ça, on aura à nouveau besoin de pas mal d'argent. Mais pour le moment, c'est surtout suivre l'actualité qui arrivera là, quoi. En fait, son anniversaire, c'est le 24 avril. Il y a deux personnes du collectif qui y vont, Claude Pujol qui a été interrogé là, et Jonathan Léré de Tours, et ils espèrent le voir, mais on ne sait pas s'ils pourront accéder. La dernière fois, non, personne n'a pu le voir, là on ne sait pas. Et par contre, les Américains, je trouve, ont fait ces derniers temps pas mal de réunions, je dirais collectives, hein, autour de ce cas, et il y a beaucoup de gens quand même qui s'investissent aux États-Unis aussi, quoi. Alors que pendant un moment c'était très divisé, enfin, dans notre analyse à nous, quoi, disons. Voilà. Après, sur ça, comme actualité, je sais pas, il y a un groupe de blues qui vient de faire qui a fait un disque, et il y a un morceau sur Mumia Boujamal, ça s'appelle Mister Mumia, vous pouvez l'écouter en direct sur YouTube. Voulais-je dire d'autres? Parce que certains amis, ils ont accès à le visiter. Oui, ils espèrent qu'ils pourront le visiter. C'est pas. Sinon, pour le moment, il est très fatigué et il nous a demandé, puisqu'il collaborait à beaucoup, on lui demandait des choses, il écrivait, etc. C'était vraiment l'écriture et puis ses émissions radio par téléphone, c'est sa vie. Hein. Lui, c'est un intellectuel. Hein. Et pour le moment, il a demandé à ce que. C'est sa famille, hein, qui a demandé à ce qu'il ait la paix, quoi, parce que je pense qu'il ne peut pas, physiquement, moralement, il ne peut rien faire. Ah si, un autre événement que j'ai oublié, le 1er mai, c'est pas le 1er mai, le 30 avril, la ville de Saint-Denis organise autour de la rue Mumia Boujamal, dans la ville de Saint-Denis, il y a une rue Mumia Boujamal. Et donc, il va y avoir une petite cérémonie le 30 avril sur cette rue. Il va y avoir des soutiens américains qui vont venir. Il y aura le frère de Mumia Boujamal et plus d'autres personnes. Un petit groupe. C'est vers quel métro, ça? Quel métro c'est? C'est à la sortie sur cette plateforme. C'est Basilique, ou... C'est là, non, où il y a le stade. C'est le stade, oui. Voilà. Donc, stade de... Oui, voilà, vous sortez sur la plateforme et c'est une petite rue dans le quartier moderne. Ouais. Voilà. Et toute la... La plaine. Sur... Je crois pas. Vous regarderez peut-être, sinon sur le, on fera circuler l'information. Et si vous me laissez, moi, si vous me laissez des téléphones ou des mails, je voudrais suivre. Hein. Et donc, le petit groupe sera de, c'est Saint-Denis, hein, qui s'en occupe et nous a pas encore donné tout à fait le programme, mais on leur a proposé, parce que je pense que ça les intéressera, de faire le 1er mai avec nous, la manifestation du 1er mai, et on se mettra de façon statique quelque part sur le parcours pour diffuser des informations sur Mumia Boujamal, et après chacun rejoindra le parcours ou le groupe qu'il veut. En fait. Voilà. Comment ça se passe pour ces émissions de radio? Il peut dire ce qu'il veut, enfin, oui. Oui, mais bon, quand il était dans le couloir de la mort, il le faisait aussi. Hein. Mais bon, c'était, ça pouvait être interrompu, quoi. Voilà. Puisque c'est par téléphone, hein, donc... Oui, il pouvait. Voilà. Mais quand même, à tout moment, on a essayé... il a eu plusieurs, hein, et plusieurs interdictions, hein, de s'exprimer dans sa vie. Hein. Et une des dernières, ça fait, quoi, 3 ans, même pas, peut-être... il a été invité à faire un discours lors de la remise de diplôme dans l'université où il était allé. Et c'était un discours, je dirais, poétique, hein, vraiment, hein, politique à peine. Hein, c'était, je sais pas, c'était un peu enflammé, c'était un beau discours. Et bon, ça remplit de fureur la police, bien sûr, et puis les juges et les politiques de Philadelphie, et qui ont pondu une loi pour interdire aux prisonniers de s'exprimer. C'est énorme, hein, quand on le sait qu'aux États-Unis, l'expression, le droit à l'expression, le droit à la parole, c'est sacré. Bien sûr, ça a été cassé, hein, mais pour vous dire jusqu'à quel point il y a une... voilà, ça s'oublie pas, quoi. Ils l'ont toujours en présence. Et ce qu'elle dit là, avec Ed Rangel, qui était le procureur, après je crois qu'il a été gouverneur d'ailleurs, gouverneur, hein. Non, et après il a été maire, après gouverneur. Tous ces gens qui étaient dans la sphère ou policière ou politique à l'époque de la condamnation de Mumia Abou-Jamal ont eu une carrière jusqu'à ces dernières années. Ont été élus, ont continué à être élus. C'était terrible, quoi, parce qu'on retrouvait toujours les mêmes dans des fonctions différentes. Et là, ça y est, quand même, ça change un peu. Il y a un nouveau gouverneur que nous n'avions... Je ne me rappelle même pas le nom. Non, je ne me rappelle pas. Et qui a pris une décision, qui a fait un moratoire sur la peine de mort, qui a pris un moratoire sur la peine de mort en Pennsylvanie. Qui a été attaqué tout de suite, bien sûr, mais voilà, il a maintenu. Hein, il a... Donc, un moratoire ne veut pas dire abolition, hein, mais c'est déjà ça. Je veux dire, il y a donc peut-être un changement de politique, ça c'est presque certain, hein, puisque les autres, au bout d'un moment, ils disparaissent, mais peut-être qu'il y aura, moins... moi, j'ai l'impression que c'était toujours la même clique qu'il y avait et qui se perpétuait, quoi, en fait. Et peut-être que ça peut changer la donne pour Philadelphie. Pour lui, non. Hein. Ça n'aura pas d'effet pour sa situation judiciaire. Hein. FPP, la jungle des luttes. On continue notre programme avec Marie-France, militante de la cause palestinienne, qu'on a rencontrée hier justement à la soirée de solidarité avec Ahmad Saadat et Georges Ibrahim Abdallah et les prisonniers et prisonnières politiques palestiniennes qui avaient eu lieu donc hier soir. Et ben justement, à l'académie, bah justement rue d'Anguien, à l'Académie des Arts et des Cultures du Kurdistan, que c'est plus comme ça que ça s'appelle. Il nous l'a dit, quoi. Du Kurdistan. Ils ont changé de nom. Alors donc voilà, c'était récent, on l'a pas mis sur la petite affiche. Et donc Marie-France, elle va nous parler plus précisément en fait, parce qu'on le conflit israélo-palestinien, c'est une très longue histoire. On en entend parler très régulièrement, mais là on va plutôt détailler ce qu'est la campagne boycott des investissements sanctions, c'est-à-dire la campagne BDS. Donc Marie-France, si tu veux bien nous en parler, sachant que tu ne fais pas que ça, mais ça c'est une initiative importante dont on a envie de parler, sachant qu'on a pu voir depuis des années justement souvent des petits papiers distribués, on en a entendu parler, donc on te laisse peut-être nous présenter ce que c'est. Et merci d'abord d'être avec nous. D'accord. Bonsoir à tous. Donc, la campagne BDS France, c'est un réseau d'une cinquantaine d'organisations nationales et aussi d'organisations sur le plan local. Mais c'est d'abord et avant tout une réponse à l'appel lancé en 2005 par 172 organisations de la société civile palestinienne pour protester contre la situation faite aux Palestiniens et la complicité, le manque de réaction des gouvernements occidentaux et des gouvernements arabes qui ont complètement abandonné les Palestiniens à leur sort et qui, de fait, sont complices de la politique israélienne de spoliation des terres, de l'eau des Palestiniens. Cet appel a pour objectif trois objectifs principaux: la fin de la colonisation et de l'occupation, la destruction du mur, la fin du blocus de Gaza, la fin de la discrimination pour les citoyens arabo-palestiniens d'Israël et le respect du droit au retour et à l'indemnisation des réfugiés palestiniens. Et ces trois objectifs sont indissociables. C'est aussi un engagement pour le boycott total. Ça signifie la chose suivante: c'est le boycott des produits israéliens, prioritairement les produits des colonies, mais pas uniquement, le boycott culturel, le boycott universitaire et académique, le boycott sportif. Mais c'est aussi la bataille pour le désinvestissement des entreprises complices de l'occupation et le combat pour contraindre des États occidentaux et arabes à prendre des sanctions telles que l'embargo sur les armes, la suspension de l'accord d'association, Union européenne, Israël notamment. Cette campagne a pris de l'essor en France à partir de 2009, au lendemain de l'agression meurtrière d'Israël sur Gaza, qui a fait près de 1400 morts. C'est une campagne internationale, non violente, citoyenne et antiraciste, qui s'inspire de la campagne menée en son temps contre l'apartheid sud-africain. Cette campagne remporte de grands succès à l'échelle internationale, notamment sur le plan du boycott culturel, académique et sportif, qui nuit à l'image de l'apartheid israélien. Mais il y a également des succès dans le volet des investissements. Je me contenterai simplement de dire que la campagne BDS France a pris toute sa part dans, dans cette bataille qui a amené les multinationales françaises qui coopéraient avec Israël dans la colonisation de la Palestine, que sont Veolia et Orange. Alors face à ces succès, non seulement sur le plan français, mais surtout sur le plan international, Israël commence à réagir. Israël, qui dédaignait la campagne BDS jusqu'à il y a un an, prend maintenant des mesures contre la campagne BDS. Alors, y compris en Israël même, puisqu'ils ont fait voter une loi par la Knesset qui peut amener des militants de l'intérieur à être sanctionnés par des amendes. Mais ils viennent de mettre en place également un ministère, le ministère des Affaires stratégiques, qui a une cellule spéciale chargée de contrer la campagne BDS en ligne avec un budget extrêmement important. Et enfin, dernière mesure extrêmement grave, le fait qu'il y a une conférence anti-BDS à Jérusalem au cours de laquelle le ministre des renseignements a appelé à des éliminations civiles des animateurs de la campagne BDS et en particulier ceux qui sont en Palestine, ce qui a amené d'ailleurs Amnesty International à faire un communiqué pour la protection des militants du BDS. Alors, je vais venir maintenant à la situation particulière en France, parce que en France, la campagne, c'est un des seuls pays au monde où la campagne BDS est criminalisée. C'est-à-dire qu'il existe une circulaire qui s'appelle la circulaire Alliot-Marie, qui a été prise en 2010 et qui permet au parquet d'envoyer les militants devant les militants du BDS devant le juge. Alors heureusement, un certain nombre d'entre eux ont été relaxés, les juges estimant que appeler au boycott de la politique d'Israël constitue une liberté individuelle d'expression, mais également une façon de remettre en cause la politique d'un État, et que ce n'est absolument pas pénalisable. Bon, ça a été le cas jusqu'à il y a, on va dire, le 20 novembre 2015, où la Cour de cassation a rejeté un appel formulé par des militants qui avaient été condamnés à une amende de 1 000 euros chacun et à des dommages et intérêts de 28 000 euros, ce qui est quand même une somme énorme, à verser aux officines sionistes que sont la LICRA, le BNVCA, BNVCA, Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, qui ont comme objectifs principaux d'envoyer les militants du boycott des investissements sanctions devant les tribunaux de façon à casser ce mouvement en France. Ils sont relayés par les pouvoirs, enfin par les représentants politiques de l'État français. Il n'y a qu'à écouter Manuel Valls, qui explique que la campagne BDS en fait relève d'une campagne antisémite, alors qu'en fait, je le répète, cette campagne est une campagne non violente, antiraciste et citoyenne. Et ça s'est concrétisé également à Paris par le vote d'un vœu par la majorité PS alliée aux Républicains qui condamne l'appel au boycott d'Israël et également le fait qu'on puisse appeler sur la place publique à boycotter l'État d'Israël. Je m'étais posé une question, est-ce que madame, je ne sais plus comment s'appelle cette femme, je voudrais, madame Badinter, hein, qui appelle à boycotter les couturiers qui font une mode islamique, est-ce que madame Badinter va se retrouver, comme les militants du BDS, devant les tribunaux ? Il y a une chose auquel je tiens, enfin, qui me peut sembler très très important, c'est que aussi bien M. Valls que les officines sionistes, que les représentants de la ville de Paris, pour condamner l'appel au boycott d'Israël, disent que l'appel au boycott est illégal à partir de la décision prise par la Cour de cassation de rejeter le pourvoi présenté par les militants de Mulhouse. C'est un arrêt, n'est pas une loi. Donc l'appel au boycott n'est pas illégal. Le boycott fait partie de l'expression et du combat pour la liberté d'expression des militants. Ça, c'est un des premiers éléments. C'est vraiment très, très important. D'autre part... Effectivement, d'autant qu'il y a des États qui se boycottent entre eux, hein, que c'est quelque chose de tout à fait... Oui, je veux réinsister sur le fait que, en fait, il y a seulement le boycott de l'État d'Israël qui serait illégal. Le gouvernement français a appelé au boycott du Mexique en son temps, a appelé au boycott de la Russie contre ce qui s'était passé en Ukraine. Et plus donc, récemment. C'est bien une preuve que c'est ciblé sur Israël. Et ça, c'est l'expression d'une complicité agissante avec l'État d'apartheid qu'est Israël. Je pense qu'il me reste peu de temps. Cinq minutes. Donc. Parce qu'on voulait justement à la fin passer une petite lettre pour justement faire converger toutes ces luttes qui, un peu partout... Alors, j'ajouterais que la situation actuelle d'état d'urgence ne facilite absolument pas le combat et le militantisme des militants de la cause palestinienne, puisque toute action pour le BDS pourrait être assimilée à un trouble à l'ordre public et pourrait donc permettre aux forces de police d'interpeller les militants en pleine action. Il y a une camarade BDS qui s'est fait arrêter il y a quelque temps parce qu'elle a porté un t-shirt BDS, elle s'est fait arracher d'une manifestation juste sur le prétexte qu'elle avait ce t-shirt BDS. Ça ? Absolument. Absolument. Le fait de porter un t-shirt serait répréhensible par la loi, ce qui est quand même assez extraordinaire. Je vais terminer parce que je pourrais dire des tas d'autres choses, mais ça demanderait un peu plus de temps. Je veux dire que la lutte pour la Palestine prend toute sa place dans la convergence des luttes, car c'est une lutte pour la solidarité internationale contre le racisme, contre le colonialisme et pour la liberté d'expression. D'ailleurs, les militants de la campagne BDS, que vous pouvez rejoindre en allant voir les informations sur le site de cette campagne www.campagnebds.com, je ne sais plus si c'est com ou fr. Non, c'est www.bdsfrance.org. Voilà, c'est l'émotion qui me fait me tromper d'adresse. Du site internet. Et d'autre part, demain soir, dans le cadre de la Nuit debout, les militants de la campagne BDS vont intervenir, je crois, vers 18h, dans le cadre de la commission Palestine debout. Voilà. J'aurais eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire. Mais je pense qu'on peut te réinviter puisque, bon, on a malheureusement qu'une seule émission par mois d'une heure et demie, mais on peut essayer d'en reparler avec plaisir. Bah, merci beaucoup, Marie-France. Merci à vous de m'avoir invitée. Donc justement, on va continuer à parler de la convergence des luttes. On a effectivement pas beaucoup le temps, donc on va même pas non plus parler beaucoup du Mexique, de tous ces prisonniers politiques qui sont depuis des années en prison. En général, et pas toujours parce qu'ils sont militants ou qu'ils luttent contre un grand projet, contre le fait qu'on détruise leur village. Donc on a, voilà, ça c'est quelque chose qu'on a tous en commun dans tous les pays, c'est de connaître des expulsions, de la violence, de la part des polices au service des États qui eux-mêmes sont complices dans toute cette marchandisation de tout jusqu'à la vie. Et donc au Mexique, on a souvent évoqué le fait qu'il y a une répression depuis très très longtemps des mouvements sociaux, des politiques insurrectionnelles qui s'abattent sur les zapatistes, mais ça, c'est déjà presque de l'histoire ancienne à côté de, enfin, au regard de tout ce qui est en train de se passer depuis des années là-bas au Mexique. On a récemment justement pu entendre qu'Amnesty International avait conclu au Mexique sur le fait que des polices étaient impliquées concrètement dans la disparition des étudiants disparus d'Ayotzinapa. Donc on voit bien qu'il y a une réticence des pays à faire lumière sur ce qu'ils font, puisqu'évidemment c'est criminel, et donc nous par contre criminalisés à chaque coin de rue. Donc on vous invite à venir nous rejoindre si vous avez envie, donc au CSPCL le vendredi soir à 20h30. Enfin, oui, c'est ça, tous les mercredis soirs à 20h30. Vous pouvez réécouter nos émissions sur le blog La Jungle des Luttes. Et on va vous laisser avec justement la petite lettre qui avait été écrite à Barcelone par une réunion de collectif de solidarité avec les zapatistes qui justement veulent dépasser le cadre de la solidarité avec les zapatistes et une convergence des solidarités et de luttes à venir. On vous laisse, on vous retrouve le mois prochain. Pour ceux qui veulent nous réécouter, c'est jeudi en 8, de 8h à 9h30. Merci beaucoup, merci à Greg pour la technique, Marie-France, Yekboun tout à l'heure qui était intervenu en début d'émission et qui nous a parlé des Kurdes, et à notre copine Julie. Merci à vous tous. Ciao. Et prisonnières du monde entier, à leurs familles et à leurs amis, à leurs collectifs et groupes de soutien, au réseau contre la répression et pour la solidarité, à la Croix-Noire anarchiste de Mexico, au groupe de travail No Estamos Todos, à la Sexta, à ceux et celles qui sentiront ces mots. Compagnons et compagnonnes, tout d'abord, recevez tous et toutes un salut solidaire et du courage pour chacun et chacune d'entre vous. Depuis Barcelone, plusieurs personnes à titre individuel, collectif et groupe se sont réunies pendant la rencontre européenne de solidarité avec les communautés zapatistes, la Sexta et avec ceux et celles qui luttent depuis leur tranchée en bas et à gauche. Ici, nous nous sommes parlé, nous nous sommes écoutés, nous avons à nouveau décidé de ne pas laisser la place à l'oubli. L'oubli que représente l'enfermement, l'enchaînement, l'humiliation et le mépris dans lequel vous vous trouvez à présent. Nous avons écouté vos réflexions, vos pensées, votre rage et votre détermination dans une lutte qui dépasse les murs de la prison et s'étend à différents niveaux, avec des intensités différentes, à la société de laquelle nous sommes prisonniers et prisonnières, à l'intérieur d'un système qui surveille de près, qui contrôle, qui confine, qui opprime tous ceux et celles qui nous trouvons dans un en-dehors relatif. Pendant toutes ces années, nous avons cheminé, marché avec vous, nous avons appris que la lutte contre l'enfermement se fait à vos côtés et que vous cheminez d'une autre au quotidien. Grâce à vos mots et à vos réflexions, les préjugés disparaissent peu à peu pour donner lieu à une réflexion qui comprenne que n'importe quel type d'enfermement est en soi une pratique de contrôle et de soumission que, par la peur et le conditionnement des libertés, ils essaient de faire disparaître et domestiquer les révoltes. Vous nous avez aussi permis de voir que même dans les pires circonstances, dans les espaces réduits, dans les cellules, dans les mitards, une rage débordante de résistance peut naître, ce qui nous donne du courage pour poursuivre nos luttes. Nous partons du fait que nous nous trouvons dans une réalité où l'enfermement se manifeste à travers de nombreuses institutions, comme celle des prisons, au service d'un projet politique depuis une logique capitaliste, libérale, productiviste, patriarcale, sexiste, raciste, que nous ne pouvons accepter comme une normalité dans nos vies. Le monde pour lequel nous nous battons refuse les réformes de ces centres d'humiliation. Nous ne les voulons pas car nous n'en avons tout simplement pas besoin. C'est main dans la main avec ton compagnon et compagnonne prisonnière que nous avons appris que, indépendamment de comment ils se définissent eux-mêmes, prisonniers, prisonnières politiques ou prisonniers, prisonnières de la guerre sociale, la réclusion, l'enfermement sont destinés à servir de pile d'ordures pour y jeter la dissidence, la désobéissance, c'est-à-dire tous ceux et celles qui gênent un système basé sur l'autoritarisme et l'exploitation de milliers d'êtres humains partout sur la planète. Pour cette raison, les collectifs, les groupes et les personnes présentes à cette rencontre voulons dire à nos compagnons et compagnonnes prisonnières que nous ne pourrons pas cheminer sans eux, elles, dans la construction d'un monde où tous et toutes seront libres. Depuis cet espace, nous voulons saluer Askapena, organisation du Pays Basque persécutée pour ses actions de solidarité internationale, toutes les compagnonnes et compagnons qui ont été faits prisonniers et prisonnières, toutes les personnes réprimées pour mener leur lutte, en particulier les compagnons et compagnonnes emprisonnés pendant les opérations menées contre les 5 anarchistes de Sabadell, ceux et celles qui ont été pris au cours des opérations Pandora, Piñata et ICE, menées par l'État espagnol simplement parce qu'ils étaient anarchistes, tous et toutes celles d'autres réalités de lutte réprimées lors des opérations contre le mouvement indépendantiste gallego les 8 personnes arrêtées pendant la lutte contre le Pantano de Yesa, ainsi que toutes ceux et celles d'autres réalités que nous ne connaissons pas, mais que nous ne pouvons pas oublier. Et plus particulièrement aujourd'hui, en ce 21 novembre, date douloureuse car nous n'oublions pas la mort de Ricardo Flores Pargon dans la prison de Leavenworth, et nous envoyons à tous et toutes les compagnons et compagnons qui s'en souviennent nos sincères salutations depuis la digne rage et la joyeuse rébellion. Nous saluons nos compagnons et compagnonnes, Alvaro Sebastián Ramírez, Alejandro Díaz Santis, Luis Fernando Sotelo, Fernando Barcenas Castillo, Miguel Ángel Peralta Betanzos, Abraham Cortés, Roberto Paciencia Cruz, Esteban Gómez Jiménez, Santiago Moreno Pérez, Emiliano Jiménez Gómez, Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Romulo Arias Mireles y Teófilo Pérez González, Máximo Mojica Delgado, María de los Ángeles Hernández Flores, Santiago Lázaro Lesma, Semeí Verdia, Alénor Pelletier, Mumia Boujamal, Osso Blanco, Gabriel Pombo da Silva. Nous saluons toutes et toutes les prisonnières qui luttent en bas et à gauche contre le système carcéral, ses lois et le monde qui les produit. Nous souhaitons également que vous sachiez que selon nos différentes formes de cheminement, nous répondons à l'appel du réseau contre la répression et pour la solidarité à se mobiliser et à mener des actions pour la liberté de nos compagnons et compagnonnes du 3 au 7 décembre, dont le slogan sera « Jusqu'à ce que nous soyons tous et toutes libres ». On ne peut pas vous laisser sans vous dire auparavant que nous sommes là, que nous ne nous rendons pas et que nous ne faiblissons pas. À bas les murs des prisons.